Ce que je crains le plus, c'est finir seul ou finir fauché. Je te parle pas d'un accident, un cafard continu, des mauvais choix en guise de trophée. Comme si quelqu'un m'en félicitait. J'ai peur de devenir celui que j'ai négligé, faut sourire sur les clichés. Est-ce que j'en aurais trop fait ou pas assez justement? Un bon morceau, c'est comme une blague, je peux pas t'en faire sur demande. Ah. J'ai l'impression de devenir un connard, levé le matin de bonheur. On est tous en quête d'un bonheur, irréel ou factice. Rien n'a changé depuis tout ce temps. Maman dort avec une machine pour se protéger de l'infarctus. L'amour, un dangereux cactus où chaque épine est toxique. Si tu refuses d'être piqué, elle ira chercher d'autres cibles. Te crois jamais vaincu, encore moins invincible. J'suis enfin tombé de ma branche. Et si c'est ça le monde, j'aurais dû fermer les yeux. J'ai l'impression de devenir un homme, mais j'me sens pas à ma place. Comme une mouette qui vole en ville. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère est moins pénible au soleil. Et toi tu sais ce que c'est une vraie angoisse, celle qui te réveille en pleine nuit. Qui te met la tête en vrac, l'impression que tes démons se réunissent pour te faire leur nouveau spectacle. Tu connais déjà par cœur, ils le font quand même vu qu'à leurs yeux t'es pas respectable. Envie de leur dire d'aller se faire, mais comme t'es faible tu te laisses faire. Mais parfois faut se pétard, mais t'es sec comme une caisse claire. Silencieux comme Tesla, tu testes pas, t'espères, tu fais tout ce qui te dessert. Ce que je crains le plus c'est finir seul ou finir fauché. Là je te parle d'un accident. J'suis enfin tombé de ma branche, et si c'est ça le monde, j'aurais dû fermer les yeux. J'ai l'impression de devenir un homme, mais j'me sens pas à ma place, comme une mouette qui vole en ville. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère est moins pénible au soleil. J'suis enfin tombé de ma branche, et si c'est ça le monde, j'aurais dû fermer les yeux. J'ai l'impression de devenir un homme, mais j'me sens pas à ma place, comme une mouette qui vole en ville. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi loin des bâtiments, la misère est moins pénible au soleil.